Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un être difforme est cloué au pilori, moqué par une foule idiote et excitée. Qui pourrait venir en aide, ne fût-ce que quelques instants, à la bête, sinon la belle? Et quelle est la belle dans le roman de Victor Hugo? Esmeralda, trop belle. Et quelle est la bête, sinon le sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame? Voici les épisodes 19, 20, 21, 22 et 23 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 8, 9, 10, 11 et 13 mai 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. La sentence est exécutée. Arrêtez la flagellation. Pour que justice soit faite jusqu'au bout, le sieur Quasimodo restera exposé au pilori durant une heure. Il est à nous maintenant, l'affreux bonhomme. Attends un peu, tu as payé pour la justice. Maintenant, tu vas nous rendre compte de toutes tes sorcelleries. Bien exposé comme il est, on va pouvoir le bombarder à notre aise. Une heure pour le panda, un fagot pour le magot. Une heure pour le panda, un fagot pour le magot. Une heure pour le panda. Mille autres injures pleuvaient, et les huées, et les imprécations, et les rires, et les pierres aussi, ça et là. Quasimodo était sourd, mais il voyait clair, et la fureur publique n'était pas moins énergiquement peinte sur les visages que dans les insultes. D'ailleurs, les coups de pierre expliquaient les éclats de rire. Le misérable s'agita dans ses entraves, et ses soubresauts furieux firent crier sur ses ailes la vieille roue du pilori. De tout cela, les dérisions et les huées s'accrurent. Allez, voilà pour toi, vilain sourd. Je suis ton débiteur. Réveillez la nuit avec ton carillon de damnée. Eh bien, fils du diable, nous êtes rentrés encore des sorts du haut des tours de Notre-Dame. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Jetez-lui de l'eau à la figure, ça le rafraîchira. T'as envie de boire, mon dit? Prends toujours la cruche à travers ta grande canne. Au revoir. Esmeralda, voilà Esmeralda. On dirait quelqu'un vers nous. Laissez-moi passer. Merci. Pardon, laissez-moi passer. Gracieuse. Ah, pardieu, mon compère, voilà une vision qui nous change de notre Quasimodo. Ma parole, on croirait qu'elle veut arriver à l'échelle du pilori. Oh, regardez l'égyptienne, elle monte au pilori. Que va-t-elle faire? Esmeralda, prends garde au monstre, il va te mordre. Attends-moi là, Jali, attends-moi là. Et sois sage. Que vas-tu me faire, toi aussi? Tu viens te venger à cause de cette nuit. Va-t'en, va-t'en. Pauvre sourd, à quoi sert de te parler? Je suis venue te faire boire. Parce que j'ai pitié de toi. Quoi? Oh! Tu m'apportes à boire. Toi. Oh, merci, Esmeralda. Tu es bonne. Donne-le encore. Tiens, pauvre monstre. Comme tu es malheureux. Comme tu souffres. Oh, Esmeralda. Pardon. J'ai cru que tu venais avec les autres pour me tourmenter. Mais toi, tu avais le droit. Je t'ai fait peur cette nuit. Et tu me sauves. tu me donnes à boire quand tout cela me jette des pierres? Esmeralda, merci. Merci. Tu es un ange. Laisse-moi embrasser ta main. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. Vive Esmeralda! Oui, oui, vive Esmeralda la belle! Et notre fée! Bonjour, Esmeralda! Maudite sois-tu, fille d'Égypte! Tu peux descendre du pilori! Sois tranquille, sorcière! Tu y remonteras! Mon Dieu! C'est encore cette folle! Pourquoi a-t-elle tant de haine pour moi? Allons, bon, voilà la sachette avec ses lubies! Elle ne s'arrête de prier que pour maudire l'Égyptienne! On devrait la battre de verge, cela la calmerait! Pensez-vous, c'est une sainte femme, il ne faut pas y toucher! Oh. N'aie pas peur, Esmeralda! Viens danser avec nous! Vis-à-vis la haute cathédrale, sur le balcon de pierre pratiqué au-dessus du porche d'une riche maison gothique qui faisait l'angle de la place et de la rue du Parvis de Notre-Dame, quelques belles jeunes filles riaient et devisaient avec toutes sortes de grâces et de folies. À la longueur du voile enroulé de perles qui tombaient du sommet de leurs coiffes pointues jusqu'à leurs talons, à la finesse de la chemisette brodée qui couvrait leurs épaules, en laissant voir, selon la mode engageante de l'époque, la naissance de leurs belles gorges de vierge, à l'opulence de leurs jupes de dessous plus précieuses encore que leurs surtouts, à la gaze, à la soie, au velours dont tout cela était étoffé, il était aisé de deviner de nobles et riches héritières, réunies pour lors dans la demeure de Madame de de Laurier et de sa fille Fleur de Lys. Vraiment, mamie, allons-nous voir aujourd'hui votre fiancé? Il devrait déjà être là, mais peut-être l'idée de voir toutes mes amies réunies lui fait-elle peur. Oh, le capitaine Phébus de Châteaupeur avoir peur! Oh, Fido, il est connu pour son courage. Et même, dit-on qu'il n'en manque point devant les dames. Vraiment, ma chère Fleur de Lys, à votre place, je l'épouserai très vite. Voyez, comme déjà vos meilleurs amis ont de mauvaises pensées. Ce sont propos de Jouvencelle. Ils ne me blessent point. Et même, ils me manqueront lorsque je serai mariée. Oh, ben, nous le serons toutes bientôt. Et alors nous parlerons peut-être un autre langage, mais nous ne changerons pas de sujet. Oh, l'amour, je le crains, occupera toujours nos pensées. Monsieur le capitaine Phébus de Châteaupeur. Oh, le voilà. Mesdemoiselle, je suis votre serviteur. Mon cousin, je vous avais dit que je vous ferais connaître aujourd'hui mes amis. Les voici. Oh, elles sont comme autant de perles dont on ne pourrait distinguer l'Orient. Oh. Permettez-moi de vous les faire reconnaître. Avec plaisir. Diane de Christeuil. Oh, mes yeux sont ravis. Oh, mais si. Amelotte de Montmichel. Mes yeux sont charmés. Oh, capute. Colombe de Gaillefontaine. Mes yeux sont éblouis. Et Christelle de Champchevrier. Oh, de grâce, de grâce. Je n'en crois pas mes yeux. Ses yeux ne garderont-ils aucun regard pour moi? Oh, mamie, mamie, ce sont les vôtres qui m'ont séduit. Oh, il est charmant. Mais quelle est celle d'entre vous, mais toute belle, qui jouait de... Du théorbe, capitaine. Lorsque je suis entrée... C'est moi, capitaine. Oh. Je faisais un peu de musique, tandis que mes compagnes travaillent à cet ouvrage de tapisserie qu'elles destinent à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs. Ah. Comment trouvez-vous cet ouvrage? Oh, très bien, très bien. Qu'est-ce que cela représente? La grotte de Neptune. Ah. Et ce gros gendarme qui souffle à pleine joue dans une trompette. C'est Triton. Triton. Ma foi, je ne m'y connais guère en ouvrage de dame, et je vous félicite toutes de votre patience. Pour moi, j'avoue préférer ces accords de théorbe. Il ne faut point l'interrompre. S'il vous plaît de les entendre, il y a des paroles. Il y a des paroles. Oh, mais voilà qui est encore mieux. Mais chantez, mademoiselle, chantez. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. Ah oui, c'est très beau. L'amour est pareil à la braise vire le vent, devient fournaise. Lors les plus doux des serments seront comme charbons ardents. Lors les plus doux des serments Ah, tiens! Ah! Cher dame Aloïse! Je viens de me prévenir que vous étiez là, capitaine. Oh. Et ces jeunes filles seront restées sans chaperon. Non, mon Dieu, madame, vu leur nombre, j'étais plus effarouchée qu'elle. Venez donc me tenir compagnie sur ce tabouret. Nous avons à causer de choses sérieuses. Oui. Mais petite, rangez votre ouvrage. Nous allons collationner dans un moment. Ah. Et toi, ma chérie, occupe-toi de faire venir des rafraîchissements. Oui, mais. Oh, est-elle charmante? Non, charmante. Ah, capitaine, je sais bien que toutes les mères ont pour leurs filles des indulgences parfois excessives. Mais Fleur de Lys est une enfant, donc je ne trouve point la pareille. N'est-ce pas votre avis? Ah, si c'est, madame, ça. Eh bien, alors qu'attendez-vous pour donner une date à des accordailles qui ont toute ma bénédiction? Oh, rédiantre, dame Aloïse, nous avons le temps. Oh, mon ami. Ah, non, je veux dire qu'un soldat ne dépend pas que de lui. Les archers du roi auxquels j'ai l'honneur d'appartenir doivent, surtout lorsqu'ils sont capitaines comme moi, obtenir délais, permissions. Ne m'aviez-vous pas assuré que tout ceci était en bonne voie? En très bonne voie, madame, en très bonne voie aussi. Ne s'agit-il plus que d'attendre? Eh bien, attendons. Mère, tout est prêt. Bien, allons, capitaine, allons. Vous voici bien timide. Je gage que vous avez maintes confidences à faire à votre promise. Venez, mon cousin, approchons-nous du balcon. Il est vrai que vous ne semblez guère chaleureux. Oh, pardieu, je n'aime pas tous ces jupons qui m'environnent. Ces façons de damoiselle. Votre réception m'agace. Nous ne sommes pas ici à la capitainerie. Et vous ne voudriez pas trouver votre fiancé environné de gendarmes. Oh, et pourquoi, madame, votre mère porte-t-elle toujours que cette cotte armoriée comme nos grands-mères du temps de Charles VII? Dites-lui donc, ma cousine, que ce n'est plus l'élégance d'à présent. On dirait un manteau de cheminée qui marche. Non, en vérité, on ne s'assied plus ainsi sur sa bannière, je vous le jure. Est-ce là tout ce que vous me jurez aujourd'hui? Est charmant. Venez vite voir, ma reine. La jolie danseuse qui danse là, sur le pavé, tambourine au milieu des manants. On dirait que ses pieds ne touchent pas la terre. Oh, regardez, chacun lui jette de la monnaie. Comme c'est amusant. Bon cousin, ne nous avez-vous pas parlé d'une petite bohémienne que vous avez sauvée il y a 2 jours en faisant le contre-guet? D'un combat terrible, disiez-vous. Elle était aux mains d'une douzaine de bandits. Oui, je crois en effet me souvenir. Oh, la pauvre petite me doit la vie. Oh. Eh bien, n'est-ce pas cette petite bohémienne qui danse sur le parvis? Regardez bien. Ah si, je la reconnais à sa chèvre. Oh, la mignonne petite chèvre, en effet. Oh, dites-moi, est-ce que ses cornes sont en or pour de vrai? Oh, tout le monde l'admire. Oh, et même du haut des tours de Notre-Dame. Quelle est cette longue silhouette noire, là-haut, entre les gargouilles? C'est monsieur Claude Frollo, l'archidiacre. Oh, vous avez de bons yeux si vous le reconnaissez d'ici. J'ai l'habitude de le voir circuler entre les tours presque chaque jour. On dit qu'il y a un cabinet de travail. Pour l'instant, il n'est occupé que de la danseuse. Voyez donc comme il se penche pour mieux la voir. Gare à elle s'il s'y intéresse trop, car il n'aime pas les bohémiennes. Oh, ce serait dommage qu'il lui fasse tort. Elle danse à éblouir, cette petite. Oui. Mon cousin, j'ai une idée. Puis puisque vous connaissez la danseuse, faites-lui signe de monter. Ça nous amusera. Oh, oui, je vous en prie. Quelle bonne idée. Oh, vous avez l'air de si méchante humeur, Phoebus. Peut-être ce spectacle vous déridera-t-il. Vraiment, vous en avez envie? Oui. En vérité, je ne sais pas si elle se souviendra de moi. Je ne connais même pas son nom. Oh, on le saurait vous oublier, capitaine. Surtout en de telles circonstances. Courez vite la chercher. Oh, bon, n'oubliez pas la chèvre. Non. À l'apparition de Phoebus, Esmeralda avait cessé de danser. Elle le regardait comme hypnotisée. Comprit-elle un mot de ce qu'il lui dit? Ce n'était pas certain. Mais elle le suivit aussitôt tremblante et perdue, tirant Djali par sa corde, sans même se soucier de l'endroit où le beau capitaine l'entraînait. « voilà qui arrive. Croyez-vous qu'elle saura nous dire la bonne aventure? Oh, ce que c'est amusant de voir une de ces créatures de tout près. Oh, oui. Oh, la chèvre! Entendez-vous la chèvre? Une chèvre dans la maison. Vraiment, mon enfant, quelle idée saugrenue. Oh, chère maman, c'est mon dernier caprice de petite fille. Et plus belle, voici votre désir réalisé. Sur ma parole, que dites-vous, mesdemoiselles, de notre arrivée? Voilà une charmante créature. Oh. Qu'en pensez-vous, Fleur de Lys? Pas mal. Elle n'est pas mal, cette petite. Eh bien, ma petite, approchez. Je sais bien que vous ne devez pas avoir l'habitude de fréquenter les salons. Mais puisqu'il a plu à ces jeunes filles de vous y faire venir, entrez. Et distrayez-nous avec votre savoir. Non, bleu. Ah, Maloïse, c'est la chèvre qui vous répond. Et sur le même ton, ma foi. Belle enfant, je ne sais si j'ai le suprême bonheur d'être reconnu de vous. Oh oui. Vous vous êtes bien prestement échappé l'autre soir. Est-ce que je vous fais peur? Oh non. Non, messire capitaine. Quelle insolente de prendre ces intonations-là. Ces filles de rue n'ont point de pudeur. Vous m'avez laissé à votre place un assez rechigné drôle, un borgne, bossu, le sonneur de cloche de Notre-Dame, je crois. On m'a dit qu'il était le bâtard d'un archidiacre, diable de naissance. Ah, il a un plaisant nom. Quatre temps, Pâques Fleury, enfin je ne sais plus. Un nom de fête carillonnée. Il se permettait de vous enlever comme si vous étiez faite pour un bedeau. Et que voulait-il de vous, ce chavant? Je ne sais. Bon, conçoit-on l'insolence? Un sonneur de cloche enlever une fille, comme un vicomte. Un manant braconné sur le gibier des gentilshommes. Voilà qui est rare. Enfin, au demeurant, il l'a payé cher. Les deux bourreaux qui l'ont étrillé sont réputés pour frapper fort. Oh, pauvre homme, c'était horrible. Bon, corne de bœuf, voilà de la pitié. Aussi bien placé qu'une plume au cul d'un porc. Oh, monsieur, il vaudrait mieux vous taire. Pardon, mesdames. Je crois que j'allais lâcher quelques satis. Il parle sa langue à cette créature. Regardez comme il est à son aise maintenant qu'elle est là. Il en est tout farouche. Attendez donc. Il y a un moyen de lui en faire rabattre. Te voilà bien sauvagement vêtue, petite. Où as-tu pris que l'on courait les rues sans guimpe ni gorgerette? Et tu portes une jupe courte à faire rougir un truand. Ma chère, votre ceinture dorée est d'un goût barbaresque. Oh, cela est vrai. Pourtant, tu n'es pas vilaine. Il ne faudrait pas te fagoter de la sorte. Est-ce que toutes les filles de ton pays ont la peau aussi noire? Ou serait-ce pour toi l'absence de chemise? Laisse-les dire, petite. Ce sont là les pécores jalouses de votre beauté. Ne pouvant railler votre visage, elles s'attaquent à votre toilette, qui est un peu extravagante et farouche, je ne dis pas. Mais charmante fille comme vous l'êtes, qu'est-ce que cela fait? Mon Dieu, je vois que messieurs les archers du roi prennent aisément feu aux beaux yeux égyptiens. Et pourquoi non? Oh, messire capitaine, merci de me défendre. C'est la seconde fois et ce n'est pas la moins cruelle pour moi. Oh, Seigneur! Mais qu'est-ce que j'ai trouvé qui vaut mieux pour les chevrettes? Oh, la chèvre! C'est la chevrette d'Avaloïse, n'ayez pas peur! Là, Djali, reste tranquille. N'ayez point de crainte, madame. C'est la plus douce bête au monde. Et la plus savante aussi, à ce qu'il paraît. Qu'y a-t-il dans le sac de cuir suspendu au cou de ta chèvre? C'est mon secret, n'y touchez pas. Oh, ça, la bohémienne. Si ni toi ni ta chèvre n'avez rien à danser, que faites-vous, sire? Ah, vrai Dieu, on ne s'en va pas ainsi. Dansez-nous quelque chose. À propos, belle d'amour, comment vous appelez-vous? Esmeralda. Esmeralda, que c'est drôle. Oh, vous voyez bien qu'avec un nom pareil, c'est une charmeresse. Ma petite, vos parents ne vous ont pas pêché ce nom-là dans le bénitier du baptême. Oh, venez voir. Venez donc voir. La chèvre est en train de faire une sorcellerie. Oh, mais c'est possible. Non. J'ai détaché le sachet de cuir qu'elle portait à son cou. Il y avait des lettres de l'alphabet dedans. Et voyez donc, avec sa patte, la chèvre les a triées et a formé un mot. Oh, oui. Regardez, il est achevé maintenant. Oh. Pourquoi avez-vous fait cela? Voyons voir ce mot. Phébus. Elle a écrit Phébus. Oh, c'est le nom du capitaine. Et la chèvre ne s'est pas trompée. Elle a poussé les lettres du bout de sa patte dorée, sans une hésitation. Phébus. C'est ma foi vraie. Voici mon nom. Tu ne l'avais donc pas oublié, la belle, malgré ta fuite précipitée. Comment l'aurait-elle oublié, la sorcière? Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Va-t'en! Va-t'en, fille du diable, bohémienne de l'enfer! Sors d'ici! Ma fille, ne pleure pas! Ne pleure pas pour cette mauvaise femme! Une rivale! Voilà ce qu'elle est! Djali, J'allais bien vite, partout. Ramasse tes lettres, misérable. Va faire ton sabbat ailleurs. Oh, ma petite fille. Oh, mon Dieu, je sens que je vais te trouver. Ah, charme de Dieu. Esmeralda, sors d'ici et je t'accompagne. J'ai plus d'agrément en ta compagnie qu'au milieu de toutes ces pucelles en folie. Maman, il l'a suivi. Maman, il l'a suivi. Phébus, oh maman, maman. Qu'est-ce devenue la bohémienne? Je ne sais pas, elle a disparu tout à l'heure pour suivre un capitaine des archers du roi. Je crois qu'elle est allée faire quelques fandangues dans la maison d'en face, où ils l'ont appelée. Oh! Regardez donc, l'équilibriste qui l'accompagnait. Le voilà maintenant qui fait de la voltige avec des chaises. Oh. Allons, allons, allons, braves gens, encore un bon mouvement. Allons, allons. Quelques sols de plus et j'exécuterai devant vous la pyramide des poètes. Oh. Qu'est-ce que la pyramide des poètes? Mais la plus haute, naturellement. Celle qui leur permet d'arriver dans la lune pour y puiser l'inspiration. Oh. Allons, allons. Ah, je prends une chaise, hop. Je prends une autre chaise, hop. J'y ajoute une troisième chaise. Et lorsqu'il y en aura 10, que dis-je, 10, 20, 40, toutes les chaises du voisinage, j'aurai l'honneur de vous montrer l'exercice le plus périlleux qui soit. Mais auparavant, je veux voir tomber les liards, les petits blancs et même les écus. Car on ne risque point sa peau, messieurs, sans garantie. Vous êtes bien d'accord? Yeah. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. N'arrêtez point, n'arrêtez point. Yeah. Voilà, voilà, merci, je vous en prie. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le en attendant le retour de la belle Esmeralda qui va chanter, qui va danser, qui fera 1000 exercices avec sa chèvre, dont vous serez toutes ébobies. Merci, merci, merci, merci. Ah, à la bonne heure. Voici un client généreux pour qui je vais me faire un plaisir de construire une pyramide. Ceci est pour que tu me suives, coquin. Non, pour que tu poursuives tes sottises. Monsieur l'archidiacre. Que faites-vous là, Gringoire, en cette tenue? Mon costume ne vous plaît pas? Il est mi-partie rouge, mi-partie jaune, comme une pomme de Côte-Bec. Je trouve cela d'un brillant effet. Et que dites-vous de mon bonnet pointu tout semé de grelots? N'est-ce pas un bruit ravissant que celui de la folie? Ces grelots, monsieur l'archidiacre, valent bien les cloches de Notre-Dame. Abandonne tout ceci et suis-moi dans l'église. Tu vas m'expliquer pourquoi je ne te vois plus à l'étude. La cathédrale déjà s'obscurcissait. Les lampes des chapelles commençaient à s'étoiler tant les voûtes devenaient sombres. Seule, la grande rose de la façade, dont les riches couleurs étaient trempées d'un rayon de soleil, luisait dans les ténèbres comme un fouillis de diamants et renvoyait à l'autre bout de la nef son spectre éblouissant. Venez ça, maître Gringoire. Et dites-moi ce qui vous arrive. Et d'abord, que signifie ce vêtement de carnaval? Messire, c'est en effet un bizarre accoutrement et vous m'envoyez plus penaud qu'un chat coiffé d'une calebasse. Les sergents du guet risquent fort de bâtonner sous cette casaque le philosophe pythagoricien que je suis. Mais que voulez-vous, mon révérend maître? La faute en est à mon ancien juste au corps qui m'a abandonné sous prétexte qu'il tombait en loque. Ne venez-en au fait, Gringoire. Vous êtes toujours aussi bavard. Mais cette casaque s'est présentée. Je l'ai prise et j'ai laissé là ma vieille souquenille noire, laquelle, pour un hermétique comme moi, ne l'était plus assez hermétique. On m'y voyait les fesses, sauf votre respect. Me voilà donc en habit d'histrion, comme Saint-Genet. Vous faites là un beau métier pour un homme de votre savoir. Je conviens, mon maître, qu'il vaut mieux philosopher et poétiser, souffler sur la flamme ou la recevoir du ciel, que de dresser des chaises en pyramide pour distraire les badauds. Aussi, quand vous m'avez apostrophé, j'ai été plus sot qu'un âne devant un tournebroche. Mais encore une fois, messire, il faut vivre tous les jours. Et les plus beaux poèmes ne valent pas sous la dent un bon morceau de fromage de brie. Fallait-il donc mourir de faim? Un tas de gueux qui sont devenus mes amis m'ont appris 20 tours herculéens. Et maintenant, je donne tous les soirs à mes dents le pain qu'elles ont gagné dans la journée. Fort bien, mon petit. Mais D'où vient que vous êtes maintenant en compagnie de cette danseuse d'Égypte? Je vous ai vu, du haut des tours, vous installer ensemble sur le parvis. Ma foi, c'est qu'elle est ma femme et que je suis son mari. Que dis-tu là, misérable? Oh, mais lâche-moi. Aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour oser porter la main sur cette fille? Oh, mais lâche-moi, vous me serrez le bras, me faire hurler, mais lâchez-moi, s'il vous plaît, mon bon maître. Je vous jure que je ne l'ai jamais touché, si c'est ça qui vous inquiète. Et que parles-tu donc de mari et de femme? Mais... pour la frime, messire, je vous assure, pour la frime, c'est un de ces mariages blancs, comme ils s'en pratiquent chez ces sortes de filles superstitieuses. Au reste, elle m'a sauvé la vie en y consentant, car j'étais le prisonnier de Clopin Trouillefou, le roi des mendiants, et sans l'intervention d'Esmeralda, mon corps se balancerait présentement à l'une des potences de la cour des miracles. Veux-tu dire, Marot, qu'elle se refuse à toi? Mais tous les soirs, la coquine escamote notre nuit de noces, car elle veut rester vierge. Vierge? Esmeralda est vierge? On est bien certain. Ah. Ah, bah vous m'avez lâché, mon bon maître, enfin. Peste soit de votre poigne. Vous avez des doigts d'étrangleur. Oh. Ainsi, tu crois, mon fils, que cette bohémienne n'a été approchée d'aucun homme? Mais que voulez-vous qu'un homme fasse contre une superstition? Esmeralda est une enfant trouvée ou perdue, enfin, ce qui est la même chose. Elle porte au cou une amulette qui, assure-t-on, lui fera un jour retrouver ses parents. Mais l'amulette perdrait sa vertu si la jeune fille perdait la sienne. Voilà pourquoi je suis moi-même obligé de respecter cette vaine sagesse. Et croyez-moi, je n'ai pas de rôle, car la fille est bien jolie. Tais-toi, impure! Comment fait-elle pour se protéger au milieu de tous vos sales désirs d'homme? Elle a pour se protéger trois choses. Car c'est assurément une rareté dans le milieu où elle vit que tant de pruderies farouches. La première, c'est que le peintre fou qui l'a pris sous sa sauvegarde. La seconde, c'est que toute sa tribu lui porte une singulière vénération. Esmeralda est la Notre-Dame des truands. La troisième, enfin, consiste en un poignard mignon mais bien tranchant qu'on lui fait venir aux mains dès qu'on lui presse la taille. Ah, c'est une fière guêpe que cette luronne-là, allez. Mais dites-moi, mon bon maître, en quoi cette virginité vous intéresse-t-elle si fort? Tais-toi, bavard. Amen. Amen. Venez, Gringoire, marchons dans le déambulatoire. Vous allez me parler de cette fille. Dites-moi sur elle tout ce que vous savez. Eh bien, ma belle, es-tu contente d'avoir échappé à ces furies? Monseigneur, que vous avez été noble et généreux en prenant ma défense. Vous m'avez sauvée par deux fois. Moi qui ne suis qu'une pauvre enfant perdue en Bohême. La première fois, je t'ai arrachée aux pattes d'un monstre, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable de t'avoir remise entre les griffes de ces folles. Elles étaient bien jolies, toutes ces damoiselles. Et que leur teint avait de délicatesse. Mais comme leurs propos en manquaient. Mais crainte, Esmeralda, elles t'auraient mise en pièces si elles avaient pu le faire. Pourquoi se montraient-elles si méchantes? Mais parce que tu es la beauté même. Sauvage. Ardente. Leur teint trop blanc de pucelle pâlissait encore de la comparaison. Mamie, je préfère les filles comme toi, chaudes, rayonnantes. Avec ça, une fierté qui a l'éclat d'une lame qu'on tire de son fourreau. Esmeralda, tu ressembles à une épée. Et vous, monseigneur, vous êtes pareil au rêve que j'ai toujours fait. Toujours. Mon rêve avait comme vous une armure étincelante, une haute taille et un beau visage. Mon rêve me sauvait la vie et m'emportait sur un cheval, comme vous l'avez fait l'autre soir. Alors pourquoi es-tu partie si vite? Je ne sais pas. Peut-être pour conserver à mon rêve encore un peu de son mystère. Enfant, la réalité vaut mieux que les chimères. Regarde-moi, je suis bien vivant. Je ne demande qu'à te le prouver. Phébus, votre nom est si doux à mon cœur. Je l'ai murmuré tant de fois. Et tant de fois, je l'ai composé avec mes lettres de buis et de Vanjali. Pour qu'elle puisse l'écrire, elle aussi. C'est non vrai. Ta chèvre a fait là un fameux tour. Ce n'est pas un tour. C'est une confidence. Je n'ai que Jali pour ami. Nous partagions le même secret. Pourtant, je ne voulais pas que d'autres le connaissent. Mais je ne regrette rien. Sans ta chèvre, comment l'aurais-je su moi-même? Mais à présent, je ne te laisse plus filer. Esmeralda, ma petite sauvage. Que fais-tu ce soir? Hein? La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. À ton avis, Gringoire, cette bohémienne est-elle une créature dangereuse ? Oh, que non, pas, messire Frollo. Elle est inoffensive et charmante. Rien dans la cervelle, tout dans le cœur. À la fois naïve et passionnée, ignorante de tout, enthousiaste pour la moindre chose. Sa pureté la maintient dans une sorte de rêve. Elle est comme ça, folle de danse, de bruit, de soleil. Parfois, je me demande si elle est faite de chair ou si ce n'est pas une femme abeille qui tourbillonne dans l'air jusqu'à se griser. Se peut-il qu'il existe tant de légèreté dans une âme ? Esmeralda, c'est la part de Dieu, mon bon maître. Elle traverse l'existence sans contact avec la réalité. Dieu exige une soumission totale, une foi exigeante, l'examen sans faiblesse de nos fautes. Mais puisqu'elle n'est coupable de rien, elle est comme l'oiseau et la fleur, une preuve de la grâce divine. Tu es bien lyrique, Gringoire. Ne serais-tu pas amoureux d'elle ? Eh, qui ne le serait ? Prends garde. Mais je n'ai pas fait vœu de chasteté, moi. Souffrez que nous ayons là-dessus une opinion divergente. Enfin, si vous voulez que l'Égyptienne devienne nonne, soyez tranquille. Son hymen se pourrait célébrer dans un cloître. Pourtant, il y aurait dommage. L'égoïsme n'étant point mon fort, plutôt que d'en voir priver la communauté, j'aimerais mieux, s'il le fallait, partager Esmeralda avec la terre entière. Coquin, tu parles comme un soudard. Mais non, tout au plus comme un homme pour qui l'amour est surtout prétexte à chimère. En mon âme et conscience, tenez mon bon maître, savez-vous qui je préfère ? Djali. Qu'est-ce encore que cela ? Mais sa chèvre, son adorable chèvre, douce et bêlante. Elle est intelligente et spirituelle, savante aussi. N'est-ce point une bête du diable ? Dressé pour la sorcellerie. Oh, monsieur l'archidiacre, Djali, une sorcière. Oh, vous voyez trop de noirceur dans ces jeux innocents où la patience et l'adresse tiennent lieu de miracles. Il suffit de présenter à la chèvre le tambourin d'une certaine façon pour obtenir d'elle la momerie que l'on souhaite. Je dois dire qu'Esmeralda y apporte un réel talent. Figurez-vous qu'il lui a suffi de 2 jours pour lui apprendre à écrire avec des lettres mobiles le mot Phébus. Phébus. Pourquoi Phébus ? Je ne sais. C'est peut-être un mot qu'elle croit doué de quelques vertus magiques. Elle le répète souvent à mi-voix lorsqu'elle se croit toute seule. Ah. Êtes-vous sûr que ce n'est qu'un mot ? Et pas un nom ? Un nom ? Mais de qui ? Je me le demande. Oh, pensez-vous. Ces bohémiens d'Égypte adorent le soleil, de la Phébus. Cela ne me semble pas si clair qu'à vous, maître Gringoire. Oh, au demeurant, je m'en moque. Qu'elle marmotte son Phébus tout à son aise. Ce qui est sûr, c'est que Djali m'aime déjà presque autant qu'elle aime sa maîtresse. Tu me jures que tu ne l'as pas touchée. Qui ? La chèvre ? Non, cette femme. Ma femme ? Ah, je vous jure que non. Tu es souvent avec elle ? Tous les soirs. Gringoire, quand un homme seul est en face d'une femme seule, il ne pense pas à dire son pater. Sur mon âme, je pourrais dire le pater et l'Ave Maria et même le credo sans qu'elle fît plus attention à moi qu'une poule à une église. Jure-moi, par le ventre de ta mère, que tu n'as pas touché à cette créature, même du bout des doigts. Et je le jurerais aussi par la tête de mon père, car les 2 choses n'ont plus d'un rapport. Mais, monsieur l'archidiacre, permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Parlez, monsieur. Qu'est-ce que tout cela peut donc vous faire ? Écoutez, maître Pierre Gringoire, vous n'êtes pas encore damné, que je sache. Je m'intéresse à vous et vous veux du bien. Or, le moindre contact avec cette Égyptienne vous ferait vassal du démon. Vous savez que c'est toujours le corps qui perd l'âme. Malheur à vous si vous approchez de cette femme. Voilà tout. Mais c'est que j'ai essayé une fois. C'était le premier soir. Je me suis piqué à son poignard. Est-ce là tout ce que vous avez à avouer ? Une autre fois, hein, mon bon maître, J'ai regardé avant de me coucher par le trou de la serrure. Oh, vain Dieu! J'y ai vu le corps le plus délicieux qui ait fait crier la sangle d'un lit. Va-t'en, ignoble! Va-t'en! Sors de ces lieux! Ventre et nombril de Belzébuth! Corne et tonnerre! Mais sur mon âme, pour jurer de la sorte, ça ne peut être que mon ami le capitaine Phébus de Châteaupers! Oh, vous l'avez dit, messire Jean Dumoulin! Mais je n'en ai point terminé! Ma foi, vous sacrez avec une verve admirable! Oh, corne et tonnerre! Corne et tonnerre! Corne et tonnerre vous-même! Or, ça, beau capitaine, d'où vient ce débordement de jurons que vous lancez là en pleine rue? Ça n'est pas d'un gentilhomme. Oh, pardon, camarade, mais un cheval lancé ne s'arrête pas court. Or, je jurais au galop. Vous a-t-on manqué, mon cher, pour exposer vos griefs au grand étonnement des passants? Oh, je sors de chez ma fiancée, la douce, la ravissante Fleur de Lys. Et de chez sa mère, que tous les diables emportent. Est-ce là ce qui vous met en fureur? Oh, la peste soit de ces bégueules. Il me faut pendant des heures minauder, faire l'aimable, soigner mon langage et polir mes manières. Et quand je sors, j'ai toujours la gorge pleine de jurements. Il faut que je les crache, j'étouffe. Ventre et tonnerre. Alors, calmez-vous. Et venez boire, cela vaut mieux pour cette gorge délicate. Boire? Je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Oh, j'en ai, moi. Ah. Vous en avez, mon ami Jean? Et d'où cela vous vient-il? Une bourse dans votre poche toujours percée? Mais c'est la lune dans un seau d'eau. On l'y voit, mais elle n'y est pas. Et ce bruit, quel est-il? Ah, pardieu. Gageons que ce sont des cailloux. Tenez, tendez vos mains et regardez avec quoi je cailloute ma bourse. Corne et tonnerre, des targes, des grands blancs, des petits blancs, des vrais liards à l'aigle. Oh, c'est éblouissant. Oula, il y en a tant que ça déborde. Il faut vite les ramasser. Dis donc, capitaine Phébus de Châteaupers, ramasser des pièces dans le ruisseau n'est pas digne de vous. Ah, ma foi, il est tombé de quoi s'ouvrir une bonne bouteille d'hypocras. Et je ne suis point si fier que de la dédaigner. Laissez cela pour les manants. Avec ce qui reste, camarades, nous avons mieux à faire. Oh, mais savez-vous que vous êtes en possession de 23 sous parisis? C'est une fortune! Qui avez-vous dévalisé cette nuit, recoupe-gueule? Ignorez-vous que j'ai un frère archidiacre qui se double d'un imbécile? Corne de Dieu! C'est aussi un homme respectable, si j'en juge par sa bourse! Ne perdons pas de temps, Phébus! J'ai le gosier sec! Allons à la pomme d'Ève! Va pour Ève et sa pomme! Nous croquerons tout! Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Denberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans le rôle de Jean Frollo, Pierre Trabeau. Bruitage, Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 19e, 20e, 21e, 22e et 23e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 8, 9, 10, 11 et 13 mai 1957.